إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la lecture des 40 hadiths de l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah avec une explication et les leçons à tirer du hadith. Nous en sommes au 34e hadith. الحديث الرابع والثلاثون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Rawahu Muslim. Donc le 34e hadith, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire: quiconque d'entre vous constate un acte blâmable ou un fait blâmable doit intervenir pour le corriger de sa main. S'il n'en est pas capable, qu'il le fasse de sa langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. Et ceci est le degré le plus faible de la foi. Rapporté par Muslim. Ce hadith, il parle d'une action, d'un acte parmi les actes de l'islam grandiose, qui est le fait de conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a organisé les différents degrés dans la manière de déconseiller le blâmable. Conseiller le bien et déconseiller le blâmable, c'est un chapitre qui s'étudie dans les livres de Siyas al-Shara'iyya. La politique selon la charia ou la manière de gérer les administrés, les règles liées aux administrés et aux administrants selon la charia. Et comme la plupart des musulmans ne donnent pas d'importance à la charia, surtout concernant les questions liées à la gestion des administrés et des administrants, alors, beaucoup de gens ignorent ce chapitre et toutes les règles qui le concernent. Mais sinon, c'était des chapitres qui sont étudiés dans ce livre. D'ailleurs, celui qui peut lire Le livre de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, « Al-Siyasatu al-Shara'iyya », expliqué par Cheikh Al-Uthaymeen, il y a un chapitre en entier qui parle du fait de conseiller le bien, d'y conseiller le blâmable, et les différentes conditions et les manières et les règles liées à cette adoration. Et les règles liées à cette adoration, que beaucoup de musulmans ignorent. Alors ici, en résumé, on voit qu'il y a 3 degrés dans la manière de dénoncer le blâmable. Le premier degré, c'est avec la main. Le deuxième degré, avec la langue. Et le troisième degré, avec le cœur. Les 2 premiers degrés sont liés à la capacité. Et à partir du moment où la capacité n'est pas présente, ils ne sont pas obligatoires. Le 3e degré, il n'y a pas de capacité liée au 3e degré. Toute personne peut dénoncer le blâmable avec son cœur. Toute personne. C'est pour cela que on ne voit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au 3e degré de le dénoncer avec son cœur s'il le peut. Il n'a pas énoncé la capacité dans le 3e degré. Car il n'y a pas de capacité à avoir pour le dénoncer avec son cœur. Quand on parle de capacité, c'est la capacité et le droit d'intervenir. Par exemple, dans une société organisée, il y a certaines manières de déconseiller le blâmable avec la main que seul le gouverneur peut faire. Et il n'est pas permis aux administrés d'aller se substituer au gouverneur et de le faire à leur place. Par exemple, imaginons-nous qu'une milice chasse les voleurs et leur coupe la main. Est-ce que c'est permis, ça? Non. Le gouverneur, c'est à lui de chasser les voleurs, les faire juger et leur appliquer les peines adéquates à leur péché et à leur transgression. Et si les gouverneurs sont manquants quant à cette obligation-là, alors ça c'est entre eux et Allah. Cela ne nous permet pas de se substituer à eux et d'aller nous-mêmes faire la police. Sinon chacun il va dire, ben moi je suis en droit, il va aller voler son voisin et l'autre son voisin. Et oui, mais lui, il m'a volé, et l'autre, il m'a volé. Et à la fin, c'est l'anarchie, c'est la guerre. Tout le monde se tire dessus. Tout le monde se fait justice tout seul. C'est pas possible. La seule chose qui est permise à une personne, c'est de se défendre. Par exemple, un voleur entre chez lui, ou une personne qui le transgresse entre pour le transgresser ses biens, sa personne, sa famille, son honneur, il se défend. Il repousse leur mal, par le moindre mal. Si la parole est suffisante pour les faire partir, ils parlent. Si juste en parlant, ça leur suffit pour les faire partir, ils parlent, ils ne vont pas plus loin. Si les frapper avec un bâton est suffisant, ils frappent. Si les combattre à l'épée est le minimum suffisant pour les repousser, ils combattent. Si le blesser est suffisant pour l'arrêter, il le blesse. Il n'a pas le droit de le tuer intentionnellement. Il le blesse. Et si par contre, il n'a que le moyen de le tuer ou il se fait tuer, il le tue. C'est ce qui s'appelle la légitime défense. Par contre, s'il le combat et que le voleur fuit, il n'a pas le droit de le poursuivre pour le combattre. C'est fini. L'objectif est atteint. Il l'a repoussé. Il a repoussé son mal. Maintenant, ce n'est plus son rôle d'aller chasser les voleurs dans la rue et de les ramener. Ça, c'est le rôle de l'État. Vous avez compris? C'est très important à comprendre ça. Parce que ces règles, elles sont importantes à comprendre, surtout dans les périodes ou dans les lieux où la police est faible, où il n'y a pas beaucoup de sécurité, où il y a des milices de partout. Ou c'est des guerres de fitna entre les musulmans, par exemple. C'est comme il se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui. Donc ces règles, elles sont importantes à connaître à ce moment-là, pour pouvoir les pratiquer, pour ne pas être transgresseur, pour être toujours dans son droit. Bien sûr, si on sait que des voleurs se sont mis en groupe pour attaquer un quartier, et on se met avec les gens du quartier juste pour défendre notre quartier, pour pas que les voleurs entrent, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas, après cela, se faire sa propre police, sa propre armée, vous avez compris ? Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on fait le minimum obligatoire pour se protéger, et protéger ceux qui sont, protéger nos biens, et protéger ceux qui sont à notre charge. Mais concernant le fait de punir les voleurs, le fait de les pourchasser, ou les transgresseurs, ça c'est pas notre rôle. Ça c'est le rôle du gouverneur. Si le gouverneur décide de vous donner une autorité, de dire par exemple, chaque village, faites une petite armée et allez les chasser, là dans ce cas-là, oui, tu obéis au gouverneur, tu fais une petite armée. Et... Vous avez compris ? Donc, le fait de changer le blâmable par la main, c'est pour celui qui a le pouvoir dans la société ou parfois dans la famille. Le père, il a le pouvoir parfois de changer les choses par la main. Ça peut lui arriver de corriger son enfant, n'est-ce pas ? S'il le mérite. S'il le corrige d'une manière qui est autorisée en islam. S'il a atteint un âge où il peut supporter la correction physique, c'est-à-dire après 10 ans, pas avant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper un enfant avant 10 ans pour la salat. Si c'est pour la salat, t'as pas le droit, alors pour autre chose. Est-ce que tu as le droit de le frapper avant 10 ans? Non. Donc, ce premier degré de corriger par la main nécessite une capacité et nécessite une légitimité. Sans ces deux points-là, la personne ne peut pas corriger à la main. Avec la main. Par exemple, tu es dans la rue et il y a l'enfant d'une personne, d'un voisin qui fait une bêtise. Tu peux l'arrêter à la rigueur, aller le retenir de faire la bêtise, aller prévenir ses parents. Mais est-ce que tu peux venir le corriger, le frapper ? Non. Si tu n'as pas l'autorisation du père ou si tu n'as pas une responsabilité, par exemple, à l'époque, l'imam de la mosquée ou le cheikh ou l'enseignant, il était un peu comme le père de tout le monde. Ça pouvait arriver que l'enseignant, il frappe même le père, pas l'enfant seulement. Si tu n'as pas cette légitimité, tu n'as pas à aller corriger cet enfant. Tu peux lui parler. Tu peux l'empêcher de faire le mal. Oui, c'est ton devoir. Tu l'empêches de faire une transgression. Par exemple, s'il fait une injustice, s'il vole, s'il frappe, tu l'empêches. Mais après, sa correction, elle ne te revient pas. Tu vas, tu parles à son père, ou tu l'emmènes à son père ou à son tuteur légal. Donc, ce premier degré de corriger les actes blâmables de la main, il nécessite la capacité et il nécessite la légitimité. Le deuxième degré, qui est le fait de corriger les choses avec la langue, c'est-à-dire de blâmer quand on voit un acte blâmable, ou de conseiller, ou de mettre en garde, ou d'avertir contre un mal. Alors ceci aussi est lié à la capacité. C'est-à-dire, par exemple, il y a une personne qui vient transmettre des innovations et des choses équivoques sur la religion. Avec sa langue, c'est quelque chose de blâmable, c'est quelque chose de même très blâmable. Est-ce que tout le monde peut aller parler pour le réfuter ou pour mettre en garde contre lui ? Non. Il y a des gens qui n'ont pas la science de pouvoir le réfuter. Il va vouloir faire le bien, il va faire le mal. Il va venir, il va vouloir le réfuter, mais il va le réfuter avec des arguments faibles. Et à la fin, le faux va paraître fort, à cause du fait que la personne qui défend le vrai n'a pas de science, n'a pas ramené les bons arguments ni la bonne manière de réfuter cet égarement. Donc à cause de lui, l'égarement ne va que augmenter, car beaucoup de gens seront trompés par la personne qui prêche le faux. Voilà pourquoi ce travail est le travail des gens de science, qui vont le réfuter avec science et justice, et qui vont démontrer à la communauté pourquoi cette personne est dangereuse pour elle, pourquoi cette personne est dangereuse pour la religion des gens et pour leur vie. Parfois, réfuter avec la langue ou bien déconseiller le blâmable avec la langue ne nécessite pas une grande science. Ce sont des choses qui sont connues par tout le monde. Mais la personne, il n'a pas la capacité de parler, peut-être parce qu'il a peur des conséquences de sa parole. N'est-ce pas? Alors, il ne va pas parler, parce que peut-être on va le menacer de mort. On va le menacer de châtiment corporel très violent. Alors il va se taire. Et il ne va pas parler, sous la contrainte. Donc il n'a pas la capacité de parler. Ou alors on a séquestré sa famille ou des biens, ou on menace de faire du mal à sa famille, par exemple, et il ne va pas parler. Voyez, ce degré-là, le fait de se taire sur le faux, ou même parfois par contrainte de dire des choses mauvaises du faux, c'est une permission en islam quand on est dans la nécessité, quand on est sous la contrainte vraiment de la mort ou de châtiments corporels durs. Mais un imam, une personne de science qui est prise en exemple, lui, il ne doit pas prendre cette permission. Il doit supporter le mal et dire la vérité. Parce que si lui, il dit le faux, les gens le prendront en exemple et croiront que cette parole est juste. Donc pour lui, il est demandé de patienter et d'affirmer la vérité à voix haute. Comme a fait l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Quand ceux qui étaient au pouvoir ordonnaient aux gens de dire des paroles de mécréance, ordonnaient aux savants de dire des paroles de mécréance, qui est de dire que le Coran est une création, est une créature, ce n'est pas la parole d'Allah. Et ceux qui n'obéissaient pas étaient châtiés, étaient tués, étaient torturés. N'est-ce pas? Beaucoup ont fléchi, même parmi les grands savants, beaucoup ont fléchi. Mais l'imam Ahmed n'a pas fléchi. C'est pour ça qu'il a mérité le nom de imam Ahl Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah. Quand tout le monde a fléchi pendant l'épreuve, lui il a supporté. Et il a refusé de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Et il a été châtié, torturé, emprisonné. Vraiment, tellement il était torturé, châtié, il avait des chaînes tellement lourdes, il n'arrivait même pas à marcher, il tombait. Rahimahullah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa cause, a fait que cette innovation affaiblit et a disparu ou est restée très faible après, et que la vérité a survécu. Allah l'a utilisé pour faire vivre la vérité sur ce point de la croyance, que le Coran est la parole d'Allah. Donc, déconseiller le blâmable avec la langue, c'est lié aussi à la capacité. Alors que la troisième catégorie, qui est le fait de détester un acte blâmable de son cœur, ça tout le monde peut le faire. C'est le minimum de la foi obligatoire. C'est-à-dire que la personne, quand il voit un acte blâmable, il le déteste, il le répugne de son cœur. Est-ce que ça veut dire que celui qui ne le répugne pas de son cœur, il est mécréant? Non. il est pécheur. Car il n'a pas détesté un péché, il n'a pas détesté quelque chose de blâmable. Et en cela, il est pécheur. Et il n'a pas fait le minimum obligatoire qui lui incombe, qui est le fait de détester le blâmable et l'injustice. Donc conseiller le bien et déconseiller le blâmable, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il explique dans l'Aqidat al-Wasitiyya, il dit, c'est selon la manière dont la charia l'a rendu obligatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait de conseiller et déconseiller. Car beaucoup de sectes égarées utilisent ce principe pour pouvoir faire des actes contradictoires à la charia. Ils disent, on conseille le bien, on déconseille le blâmable. On fait des révolutions. On conseille le bien, on déconseille le blâmable. On appelle à sortir contre le gouverneur. On conseille le bien, on déconseille le blâmable. Est-ce que la charia t'a demandé de conseiller le bien et déconseiller le blâmable comme ça? Ce que tu fais, c'est blâmable. Ce n'est pas la manière de la, que la charia a légiféré pour changer les choses. Et pour déconseiller le blâmable. Mais cette manière est la manière des khawarij, d'une secte parmi les sectes de l'islam, et des mu'tazila, et des rafidites, et de tous ceux qui se sont réunis, comme ils disent, les salafs, comme les pieux prédécesseurs disent, tous les gens de la bid'a, au bout du compte, en finalité, ils se réunissent tous sur un principe, l'épée, combattre le gouverneur. Il y a une chose sur laquelle tous les gens de l'innovation se réunissent, le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Ils cherchent le pouvoir, l'accès au pouvoir, l'épée. À la différence de Ahl Sunna, les gens de la Sunna, ils conseillent le bien, ils déconseillent le blâmable, qui que soit le gouverneur. Ils le font pour Allah, ils ne le font pas pour plaire à, ni au gouverné, ni au gouverneur. Ils disent ce qui plaît à Allah de la manière qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne cherchent en cela ni l'argent, ni les postes, ni le pouvoir, ni les louanges des gens, ni leur amour. D'ailleurs, en général, ils ne gagnent que l'ingratitude des gens. Parce que du fait qu'ils appellent les gens à rester calmes, à ne pas faire de manifestations, de révolutions, etc., les gens, ils les détestent, parce que les gens, ils veulent se venger. Non, on veut tout casser, on veut tout changer. Donc, ils sont traités de tous les noms à cause de cela. Ils sont traités de tous les noms à cause de cela. Ils sont insultés par le peuple qui veut se venger à cause du fait qu'ils les appellent au calme. Et ils sont insultés par certains aussi dirigeants parce qu'ils rappellent les gens à obéir à Allah et parfois ça arrange pas certains. Donc ils sont insultés dans tous les sens. Il n'y a personne qui les aime. Sauf les gens sincères. Sauf les gens sincères. Donc, utiliser ce principe qui est le fait de conseiller le bien et de conseiller le blâmable pour avilir les autres, pour se venger, pour atteindre ses objectifs. C'est contradictoire à la charia. Car l'objectif de conseiller le bien et de conseiller le blâmable, c'est de faire vaincre la vérité et de faire perdre le faux. Et non pas de chercher à se cacher derrière la vérité pour chercher une victoire personnelle. Pour utiliser ce moyen pour arriver à des objectifs personnels. À défendre un avis, à défendre un groupe, à défendre des intérêts mondains ou à vouloir accéder au pouvoir ou à une certaine partie du pouvoir ou à la notoriété ou autre. Donc l'intention dans cette action est très importante comme dans toutes les autres actions et la manière, la bonne intention ne suffit pas. Ce n'est pas toute personne qui a une bonne intention qui atteint son objectif. La manière utilisée aussi doit être une manière légiférée par l'islam. Et c'est ça la différence entre les musulmans pratiquants qui suivent la sunna et les autres. On donne de l'importance à l'objectif et on donne de l'importance à la manière. Quelqu'un qui utilise une manière en apparence correcte, mais son objectif est mauvais, c'est rejeté. Et quelqu'un qui a une bonne intention, mais qui utilise une mauvaise manière, c'est rejeté. Bien sûr, celui qui a une mauvaise intention et qui utilise une mauvaise manière, c'est clair, c'est encore plus rejeté. Le seul moyen pour être accepté, c'est que ce soit fait sincèrement pour Allah et de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. La manière qui a été légiférée en islam. الحديث الخامس والثلاثون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Le 35e hadith. Hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous enviez pas les uns les autres. Que les uns n'utilisent pas les manigances pour atteindre un objectif. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Que les uns ne pratiquent pas des ventes sur les ventes des autres. Soyez des serviteurs d'Allah qui sont frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne lui refuse pas son soutien. Il ne lui ment pas. Il ne le méprise pas. La piété est ici, désignant sa poitrine trois fois. Il suffit à l'homme, pour être mauvais, de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est interdit au musulman, son sang, ses biens et son honneur, rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite une partie des droits du musulman sur le musulman, et montre la vraie fraternité qu'il doit y avoir entre les musulmans. Le premier point, c'est l'interdiction de la jalousie. Et la jalousie, c'est le fait de réprouver, de détester dans son cœur qu'un bienfait touche son frère. C'est le fait de détester dans son cœur qu'un bienfait touche notre frère, que notre frère soit touché par un bienfait. Que la personne espère que ce bienfait soit perdu par notre frère ou non, à partir du moment où il déteste dans son cœur que son frère soit touché par un bienfait, il est jaloux. Et c'est interdit. Le musulman doit aimer que ses frères soient touchés par le bien. Et il ne doit pas détester quand des bienfaits les touchent ou quand Allah leur octroie des bienfaits. Il ne doit pas détester cela. Il doit aimer, il doit être heureux de cela. Car il doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc la jalousie est contraire à cela. Et la jalousie est une maladie destructrice de la religion et du cœur. Il est donc nécessaire aux musulmans de se prémunir contre la jalousie et de la combattre. Car elle peut venir, à n'importe quel instant elle peut venir. Mais la personne doit la repousser. Il ne doit pas céder à l'appel de la jalousie, il doit la repousser. Si la jalousie vient, il invoque pour son frère, il dit « Ya Allah, rajoute-lui des biens, mets la baraka dans ses biens. Ya Allah, préserve-le et préserve ses biens. » Il fait le contraire de ce que Shaitan lui dit de faire. Sa jalousie elle le pousse à vouloir à être malheureux du fait que son frère soit touché par un bien, lui il invoque pour lui. Et elle invoque qu'Allah préserve ses biens et sa santé et ses enfants. Et elle demande pardon à Allah. Et elle combat son âme pour ne pas laisser cette pensée rester dans sa poitrine. Car tout être humain, à un moment ou à un autre, est plus ou moins touché par la jalousie. La différence entre une personne bonne et une personne mauvaise, c'est que la bonne personne, elle la combat, elle la refuse, elle la rejette, elle va à son encontre. Alors qu'une personne mauvaise, elle l'accepte. Elle la laisse s'infiltrer dans ses veines et il rumine de haine et de jalousie. Jusqu'au point où ça peut aller très loin. Le jaloux, sa foi dans le destin est faible. Il a une croyance faible en Allah et dans la destinée. Car s'il savait que chaque chose est destinée, pourquoi il jaloux son frère? Cette chose devait lui arriver quoi qu'il arrive, c'était écrit. Et cette chose ne te serait jamais arrivée quoi qu'il arrive, c'était écrit. La part de chacun est écrite. Ni l'huile ne t'a volé ta part, ni toi, ta part elle est manquante. Tu as eu que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit avant la création des cieux et de la terre. Donc le croyant se satisfait de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne jalouse pas ses frères. La deuxième interdiction, c'est وَلَا تَنَاجَشُوا النَّجْشُوا. Je ne l'ai pas traduit exprès par le fait de faire monter les prix sans l'intention d'acheter. Car ceci est une partie de l'interdiction. النَّجْشُوا, c'est d'utiliser des moyens frauduleux et indécents pour arriver à ses fins. Utiliser la tromperie et la tricherie pour arriver à ses fins. Parmi ces tromperies et ces tricheries, c'est que tu fasses augmenter le prix de quelque chose alors que tu ne veux pas l'acheter. Alors que tu ne veux pas l'acheter. Par exemple, des musulmans sont dans une vente aux enchères. Et une personne, le vendeur, il met des complices dans les acheteurs, dans l'assise des acheteurs qui font monter le prix. Ça c'est interdit, ça c'est ça. Un najsh. Ou bien une personne, même s'il n'est pas complice avec le vendeur, il est assis, il fait monter le prix sans l'intention d'acheter, juste comme ça. Ceci est interdit en islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wala tabarabu » Ne vous détestez pas, ne vous haïssez pas. C'est-à-dire sans raison religieuse valable. Car il est permis, il est même obligatoire de détester une personne qui fait les péchés en plein public. Une personne de l'innovation, on doit le détester pour Allah. Mais cette haine, elle est proportionnelle à son innovation et à son péché. C'est-à-dire on porte dans notre cœur pour cette personne en même temps de la haine et de l'amour. De la haine proportionnellement à son égarement et à son innovation, et de l'amour proportionnellement à sa foi et à l'islam qu'il porte, du fait qu'il est la base de la foi, qu'il est encore musulman. À la différence du mécréant, pour qui on ne porte aucun amour religieux. On peut avoir un amour naturel pour un mécréant qui nous fait du bien, parce que c'est un proche, parce que c'est un parent, parce que une personne qui est mariée avec une femme des gens du livre, par exemple, il va avoir un amour naturel pour elle. Mais il n'y a aucune alliance et aucun amour religieux. Plutôt, il le hait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il le hait pour Allah, dans l'absolu. Comme on doit aimer dans l'absolu les gens pieux, les prophètes, les compagnons et les gens qu'Allah aime, les gens pieux, on doit les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Et il se peut que dans le cœur soient réunis en même temps l'amour et la haine. Par exemple, quelqu'un qui boit des enivrants en plein public, ou qui est connu pour être dans la fornication, il ne s'en cache pas, ou tous les grands péchés de ce type-là. Alors, on peut en même temps porter de la haine envers lui du fait qu'il fait des péchés en public, et de l'amour pour la base de l'islam qu'il a. Autre chose, on peut avoir de la haine religieuse envers quelqu'un, même envers un mécréant, et en même temps avoir de la miséricorde pour lui. C'est différent, l'amour et la miséricorde est différent. La miséricorde, c'est le fait d'espérer son bien, d'aimer sa guider, d'aimer que le bien l'atteigne. Cette miséricorde, elle est demandée envers tout le monde. Envers tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple en cela. Il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Ça, c'est des notions à bien comprendre. Parce que les personnes qui n'étudient pas correctement ces notions ne comprennent pas. Ah, comment ça, je le déteste? Ah, je le déteste. C'est-à-dire, j'ai aucune miséricorde pour lui, je veux que son mal. Non. On parle de l'amour et de la haine religieuse liée à la foi, liée à l'alliance et au désaveu. On ne parle pas du fait que tu vois par exemple un mécréant qui est égaré, tu as de la peine pour lui, tu as de la miséricorde dans ton cœur pour lui. Tu dis, il fait tous ses efforts, il essaye d'aider les gens, il essaye d'être gentil, mais subhanallah, tout ça ce sera pas récompensé, c'est-à-dire il va aller en enfer. Allah, il va le récompenser dans ce monde pour le bien qu'il a fait. Mais il ira en enfer éternellement s'il meurt sur la mécréance. Tu as de la miséricorde, de la peine pour lui. N'est-ce pas? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se détester, de se haïr sans raison religieuse valable. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: وَلَا تَدَابَرُوا. Et ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Se tourner le dos, c'est-à-dire rompre les liens, s'exiler, faire le hajr à quelqu'un. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de rompre les liens avec les autres musulmans sans raison valable. Si la raison de votre dispute est une chose de ce bas monde, de dunya, cette rupture de contact, elle ne doit pas dépasser 3 jours. Même si tu es opprimé, c'est dans dunya, par exemple. Mais c'est que du dunya, c'est pas du din. Alors, cette rupture de contact, elle ne doit pas dépasser 3 jours. Après 3 jours, au moins, tu dois lui passer salam, il doit te passer salam si vous vous rencontrez. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de devenir le plus grand ami du monde avec lui. Si par exemple il te fait du mal, ou tu sais que c'est un voleur, ou tu sais que c'est quelqu'un de mauvais. Non. Mais au minimum, il y a le salam. Au minimum, il y a les minimums de droits qui existent entre les musulmans, qui doivent être respectés. Par contre, si la cause de votre rupture de lien est religieuse, alors il est permis de dépasser les 3 jours, et ceci revient à l'intérêt et au méfait. Comme c'est venu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand certains parmi les compagnons qui n'ont pas été à la bataille ont été mis de côté en quarantaine pendant 50 jours. N'est-ce pas? Personne ne leur parlait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même à leurs femmes de sortir de la maison pour les éduquer. Donc ceci revient à l'intérêt et au méfait. De voir à partir du camp, il y a un plus grand intérêt à les exiler, et à partir du camp, il y a un plus grand intérêt à ne pas les exiler. Et quel est l'intérêt de les exiler? Combien de temps? On les exile 1 mois, on les exile 2 mois, on les exile 10 ans, on les exile jusqu'à qu'ils se repentent. Tout ça, Ça dépend de la situation dans laquelle on est et de l'intérêt et du méfait. L'intérêt et le méfait, c'est pas seulement par rapport à lui, c'est aussi par rapport à toi. Par exemple, si le fait de le fréquenter, ça peut être nuisible pour toi, du fait qu'il peut t'influencer dans le mal. Parce que parfois, des gens, ils disent, ouais, ça sert à rien qu'on lui fasse, qu'on l'exile, ça ne change pas, il continue dans son égarement. Oui, mais au moins, il ne te touche pas, lui, avec son égarement. Au moins, toi, tu es préservé de qu'il te transmette son poison. Donc, au minimum, tu as gagné cela. N'est-ce pas? Donc, le hajr, le fait d'exiler, de mettre en quarantaine quelqu'un, il a beaucoup, c'est une pédagogie islamique qui a beaucoup de bienfaits quand il est bien utilisé. Quand il est utilisé correctement. Subhanallah, on trouve les musulmans aujourd'hui, pour le dîn, ils ont du mal à faire le hajr. Mais pour dunya, ils le font sans aucun souci. Aucun souci. Il peut même rompre avec ses parents, avec ses proches, avec ses oncles, avec ses enfants, pour le dunya maudit, pour quelque chose qui n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Il trouve ça normal de ne pas lui parler des années. Mais quand c'est pour le dîn, il dit « Ah, vous êtes trop durs les frères, pourquoi on les met de côté ?» C'est ton dîn. C'est pour préserver le dîn. C'est pas pour du flouze. C'est pas pour du dunya. C'est pas pour les morceaux de terre pour lesquels vous vous êtes battus dans l'héritage. Non. C'est pour l'islam. L'objectif de ta création. Ce avec quoi tu vas retourner auprès d'Allah. Encore une fois, cela montre nos centres d'intérêt. Et à quoi on donne plus d'importance par rapport à autre. Si vraiment on donnait une grande importance au dîn, on comprendrait que le préserver est essentiel. Regardez dans le dunya. Là, par exemple, un fait d'actualité. Les virus. Regardez comment tout le monde a peur. Tout le monde parle de quarantaine. Dès que quelqu'un est touché par le virus, on le met en quarantaine. Éloignez-vous. Mettez des masques. Lavez-vous les mains. N'est-ce pas? Tout le monde comprend ces mesures qui sont embêtantes. Elles sont embêtantes pour tout le monde, ces mesures. Elles sont embêtantes pour le malade, elles sont embêtantes pour les gens qui sont pas malades. Mais tout le monde comprend l'intérêt de ces mesures. Parce qu'ils comprennent que ça peut se répandre et être nuisible à tout le monde. Et on comprend pas que si quelqu'un, il est un innovateur qui appelle à son innovation, qui prêche au mal, qui peut être une cause de t'emmener en enfer éternellement. Que cette personne, il faut le fuir encore pire que quand on fuit la peste. Ça, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de l'enfer. Parce qu'on n'a pas peur de l'enfer. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'enfer. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'égarement. On minimise ces choses-là. Oh, c'est rien. C'est un autre avis. Il a un avis. Il a un avis. C'est bien. Il a un avis. Barakallahu fik. Donc l'islam, c'est une question d'avis. Moi, j'ai mon avis. On se met autour d'un café. Chacun a son avis. Après, on sort. C'est une blague, l'islam. C'est pas quelque chose de sérieux révélé par Allah. C'est une blague. C'est ça, l'islam? Ou c'est une révélation qui vient de la part d'Allah? C'est l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Qu'Allah nous guide. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se tourner le dos sans raison valable. Si c'est pour des choses de dunya, c'est interdit après 3 jours. Si c'est pour des choses religieuses, cela revient à la gravité du péché et cela revient à l'intérêt et au méfait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être des frères. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ. Cela peut être compris de 2 sens. Cela peut être compris que si on obéit aux ordres préalablement cités, c'est-à-dire de ne pas se détester, de ne pas se tourner le dos, etc. À partir de ce moment-là, on sera de vrais frères. C'est-à-dire, en pratiquant ces ordres, c'est à partir de ce moment-là que l'on sera des vrais frères. Et cela peut être compris aussi comme un ordre. Soyez des serviteurs d'Allah, frères. C'est-à-dire, soyez des frères. Faites des efforts pour être des frères et de respecter les droits de la fraternité. En islam. Les droits de la fraternité en islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en montrant sa poitrine que la piété est ici. C'est-à-dire la base de la piété, elle est dans le cœur et ses effets en ressortent sur la langue et les membres. Donc une personne qui a une langue perverse et des actes de transgression et qui se dit « dans mon cœur j'ai la piété », c'est un menteur. Car si dans son cœur il avait la piété, sa langue et ses membres seraient sur la piété. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il suffit à une personne d'être, pour être mauvais, de mépriser son frère musulman, c'est-à-dire d'être orgueilleux, de se sentir meilleur que les autres. Et de se dire, tous ces gens-là qui sont autour de moi, ou que je rencontre, ou qui sont devant moi, ils sont moindres que moi. Ils se sentent supérieurs aux autres. Alors qu'en vérité, la supériorité de quelqu'un par rapport à un autre, c'est lié à la piété. Et la piété, elle est où ? Dans les cœurs. Est-ce qu'on a ouvert les poitrines pour savoir qui est plus pieux que l'autre ? Non. Est-ce qu'on sait qui d'entre nous est le plus aimé chez Allah, le mieux accepté ? Non. Donc, ceci revient à l'orgueil, et l'orgueil est un grave péché qui a causé la perte de Shaytan, Iblis, qui était un adorateur fervent, mais son orgueil l'a poussé à s'enorgueillir sur l'ordre d'Allah et à s'enorgueillir sur Allah et à devenir parmi les mécréants quand Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, notre père. C'est pour ça qu'il a juré qu'il ferait tout pour égarer sa descendance. Il ferait le maximum pour égarer sa descendance. Mais il ne pourra atteindre que ce qu'Allah a voulu. Les serviteurs d'Allah choisis, pieux, sincères, Allah les préserve contre le shaytan, leur donne les armes pour combattre le shaytan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la sacralité du sang du musulman, du bien du musulman et de son honneur. Le sang, ses biens et son honneur sont sacrés. C'est-à-dire que les transgresser revient à transgresser un droit sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de pratiquer ce hadith et tous les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le droit de nos frères musulmans. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le sang, les biens et l'honneur du musulman sont sacrés, cela ne veut pas dire que le sang d'un non-musulman n'est pas sacré. Car le sang sacré, en islam, il est de quatre catégories. Le sang du musulman, il est sacré. Le sang du dhimmi. Le dhimmi, c'est une personne parmi les mécréants qui vit sous l'autorité des musulmans. Son sang, il est sacré. Zimmi, avec un zel. Ahlul Zimma. La troisième catégorie, c'est une personne parmi les koufars, les non-musulmans, avec qui on a un pacte de non-agression. Son sang est sacré. La quatrième catégorie, Al-Musta'man. Celui qui est entré en terre d'islam, à qui on a donné la sécurité. On lui a donné la sécurité. N'importe quel musulman lui a dit « Entre, tu es en sécurité. » Il est obligatoire à tous les musulmans de respecter la parole de n'importe quel musulman qui lui a dit « Entre, tu es en sécurité. » C'est fini. Aucun musulman n'a le droit de lui faire du mal. Alors que dire s'il est entré avec un visa, avec l'accord du gouverneur, etc. Alors qu'en islam, même le plus bas des musulmans, un musulman, il lui dit « Entre, tu es en sécurité », il est obligatoire à tous les musulmans de respecter la parole de ce musulman, de ne pas lui faire du mal. Ces 400 sont sacrés en islam. Le seul qui n'est pas cité là-dedans, c'est « Al-Muharib ». C'est le mécréant qui nous combat, avec qui on n'a pas un pacte ou avec qui on ne lui a pas donné la sécurité d'entrée. Al-hadith السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ 36e حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque soulage un croyant une situation affligeante de ce monde Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'un en difficulté, Allah lui rend les choses faciles dans ce monde et dans l'autre. Quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Celui qui parcourt un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Toutes les fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les couvre, les anges les entourent de leurs ailes et Allah les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Quant à celui que ses œuvres ont mis en retard, il ne sera pas mis en avance par son apparence ou par ses liens de filiation. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 5 actions et la récompense pour chacune de ces 5 actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 5 bonnes actions et la récompense pour chacune de ces 5 bonnes actions. La première, c'est le fait de soulager à un croyant une situation affligeante. Quelle est sa récompense? C'est qu'Allah se soulagera de la situation affligeante le jour du jugement dernier. Où la situation est beaucoup plus affligeante et beaucoup plus difficile. La deuxième action, c'est le fait de rendre facile. Le fait de rendre facile une situation à quelqu'un. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui rendra facile les situations dans ce monde et dans l'au-delà. La troisième action, c'est le fait de cacher les défauts d'un musulman. Alors sa récompense est qu'Allah cachera ses défauts dans ce monde et dans l'au-delà. Concernant le fait de cacher les défauts d'un musulman, ils sont en 2 catégories. La première catégorie, le musulman qui n'est pas connu de manière apparente pour être un pervers ou une personne mauvaise. Alors l'obligation est de cacher ses défauts. La deuxième catégorie, c'est celui dont sa perversité et son égarement sont apparents, visibles à tous. Alors celui-là, il est permis à mesure du nécessaire de parler de son défaut pour le faire revenir au droit chemin. Ou pour mettre les gens en garde contre lui. Par exemple, on peut aller se plaindre à lui, au gouverneur. On ne cache pas ses défauts. À la différence, par exemple, d'un musulman du commun, ou même d'un musulman pieux que l'on connaît habituellement pour la piété, subhanallah, un jour, on l'a vu dans un péché. On l'a vu faire un péché. Alors, l'obligation, c'est de faire quoi? C'est de le couvrir. De ne pas raconter aux gens le péché qu'il a fait. Peu importe le péché. Sauf si il y a dans ce péché le droit d'autrui qui est concerné. Un vol, une transgression. Dans ce cas, on est obligé de prévenir pour préserver le droit d'autrui. Par contre, une personne qui fait les péchés en plein jour, en public, ou ses innovations en public, alors, on va aller, ou même s'il ne le fait pas en public, mais c'est un innovateur qui nuit aux gens, qui parle, qui appelle à son innovation, même en cachette, mais il appelle à son innovation les gens, alors on va aller prévenir les autorités, qui de droit, pour le punir, pour l'arrêter. Ou bien prévenir les gens de science pour qu'ils puissent le dénoncer ou dénoncer ses actes. Ou le conseiller, et puis si après le conseil il n'arrête pas, le dénoncer. Ou parfois ils vont dénoncer son acte sans le citer. Si par exemple la personne n'est pas très connue, ce n'est pas la peine de lui faire de la publicité. Ils vont dire celui qui dit telle ou telle chose, cette chose est un égarement. Cette personne est un égaré, sans citer son nom. Donc, l'obligation de cacher les défauts, c'est pour le musulman qui ne fait pas les péchés en plein jour, ou bien pour le musulman dont ses péchés et son innovation ne sont pas nuisibles pour les autres. Par contre, à partir du moment où il nuit aux autres, alors, notre obligation est d'aider les opprimés contre l'oppresseur en allant le dénoncer aux autorités ou aux personnes capables de le faire revenir au droit chemin ou de récupérer le droit des gens opprimés. Mais ici il y a quelque chose d'important à comprendre. Le fait, cette permission ne veut pas dire, si par exemple quelqu'un est connu pour être un voleur, d'accord, il le fait en plein public, il ne le cache pas. Ça me va après. On ne va pas se permettre d'aller parler sur lui sur d'autres choses qui n'ont rien à voir. Ou bien répéter partout c'est un voleur quand la nécessité est, mais ça y est, tout le monde le sait, les gens ont pris garde contre lui, les gouverneurs ont prévenu, c'est fini, pourquoi tu parles encore de lui? Quel intérêt d'aller reparler encore de lui? Si les gens ont compris, ont pris garde, c'est fini, on s'arrête. On ne dépasse pas le cadre de la nécessité de parler sur lui et sur le sujet qui concerne l'autorisation de parler sur lui, pas sur d'autres sujets. La quatrième action, c'est le fait de prendre un chemin pour apprendre la science. Sa récompense, c'est qu'Allah facilite un chemin pour l'accès au paradis. Dans la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère ». C'est-à-dire, ceci est une règle de base, que Allah agit avec toi de la manière dont tu agiras avec ses serviteurs. Si tu es bon avec eux, Allah te récompensera de la même manière que tu mérites, par la bonté. Et si tu es mauvais avec eux, alors tu en auras le péché et la punition. Et le dernier passage, il parle de ceux qui se réunissent pour lire le Coran et l'étudier entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par la miséricorde qui les couvre, les anges qui les entourent, et il va parler d'eux en bien auprès de ceux qui sont auprès de lui subhanahu wa ta'ala.